Usage abusif d'Internet. Deux décisions récentes doivent retenir votre attention sur les précautions à prendre pour prouver un usage abusif d'Internet par un salarié. La première affaire concerne un employeur qui a sanctionné par une mise à pied disciplinaire l'un de ses salariés, un cuisinier, car celui-ci s'est connecté à de nombreuses reprises durant son temps de travail sur des sites Internet sans rapport avec son activité professionnelle et notamment des sites pornographiques. Cette sanction a été annulée car la preuve formelle que ce cuisinier était l'auteur de ces faits n'a pas été rapportée. En effet, l'employeur n'avait adopté aucune charte informatique et l'ordinateur à partir duquel ces connexions ont eu lieu, non protégé par un mot de passe, était en libre accès. Par ailleurs, la présence du salarié lors de ses utilisations litigieuses est d'une portée probatoire insuffisante. L'ordinateur concerné étant situé dans une pièce annexe à la salle de cuisine où travaillait normalement l'intéressé et à laquelle tous les salariés disposant d'un pass général pouvaient accéder. Dans une autre affaire, un salarié contestait être l'auteur de nombreuses connexions litigieuses formant un usage abusif d'Internet. Il était établi, par des attestations d'autres salariés notamment, que les codes d'accès aux ordinateurs de l'entreprise étaient uniquement composés des initiales de leurs utilisateurs habituels et que les doubles des clés de l'ensemble des bureaux étaient accessibles à tous, de sorte que dans l'absolu, n'importe quel salarié pouvait avoir accès au poste informatique du salarié. Puisque les ordinateurs de l'entreprise étaient mal sécurisés, l'employeur ne pouvait apporter la preuve de l'usage abusif.